بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on continue إن شاء الله تعالى avec la biographie du prophète Mohammed ibn Abdullah عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière, on s'était arrêté avec la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام. On avait rappelé que le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi afdalu salati wa aska salam était né le mois du Rabi' al-Awwal, et ceci, ou plutôt plus précisément, un lundi. Certains historiens ont évoqué la date qui est le 12, d'autres ont dit le 19, d'autres ont dit le 9, et d'autres ont apporté d'autres dates. Et on avait dit que ceci nous importait peu. Ce qui est important à savoir, c'est ce qui est rapporté de façon authentique. Premièrement, qu'il est né le mois de Rabi' al-Awwal et un lundi. Et de toute façon, on a rappelé que tout ce qui était innové au jour d'aujourd'hui concernant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam était totalement rejeté en islam. Donc savoir s'il était né le 12 ou le 9 ou le 19 ou autre jour, ceci nous importe peu. Ici, le principal est de savoir que Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam est né le mois du Rabi' al-Awwal et a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, « وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ » Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. » On sait que le prophète alayhi salatu wa salam a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. A été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et je le répète et je ne cesserai de le répéter. Pour l'humanité tout entière, non pas pour les Arabes, non pas pour les Allemands, non pas pour les Américains, non pas pour les chrétiens, non pas, mais yani Allah subhanahu wa ta'ala montre dans le Coran al-Karim qu'il a été envoyé en miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qui est Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wa salam? C'est ce qu'on va tenter de voir au fur et à mesure de cette biographie. Donc on sait qu'il est né le mois de Rabi' al-Awwal, un lundi, et que le prophète alayhi salatu wa salam est né alors que son père n'était plus vivant. Voilà comment le prophète alayhi salatu wa salam a vu le jour. Il a vu le jour alors que son père, et suivez bien ici, n'était pas vivant. Et ici il y a une très grande leçon, ibrah, très grande leçon à prendre. Je vous rappelle ici que non seulement le prophète alayhi salatu wa salam est né alors que son père n'était pas vivant, mais aussi on rajoute que le prophète alayhi salatu wa salam a grandi, c'est-à-dire a passé son enfance alors que son père n'était pas présent. Mais on dit, on rappelle aussi que Isa alayhi salam a passé son enfance avec sa mère. Vrai ou pas? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a cité qui concernant Isa alayhi salam fi muhkam al-tanzil? Il a cité sa mère. Son père n'est pas cité. On revient un peu plus en arrière. Et quand on voit Ismaïl alayhi salam, Ismaïl alayhi salam a été auprès de qui? Il a été auprès de sa mère, Hajar. Quand Ibrahim alayhi salam était loin de la Mecque, quand il a été laissé où? Quand il a été laissé où, ayu al-ahbab? Quand il a été laissé à cette terre sacrée qui est la Mecque, avec sa mère, Hajar. Qui était auprès d'Ismaïl alayhi salam? Ce prophète, ayu al-ahbab, sa mère, ce n'est pas son père. Ibrahim était loin d'eux. Et maintenant, si on cite d'autres personnes, à part Ismaïl alayhi salam, à part Isa alayhi salam, parmi les prophètes, qui on peut citer encore? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Il était entre les mains de qui? De sa mère ou de son père? De sa mère. Moussa alayhi salam était entre les mains de sa mère. Il a passé son enfance avec sa mère. Bien plus que cela. Bien plus que cela. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à sa communauté et à l'ensemble des gens que celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, quand Moussa alayhi salam a été hikmatullahi tabaraka wa ta'ala wa sunnatullahi tabaraka wa ta'ala, une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait plutôt que Moussa alayhi salam se retrouve dans le palais de Pharaon, celui qui a dit man qal ana rabbukum al-a'la, moi je suis votre Seigneur le Très-Haut. Moussa alayhi salam s'est retrouvé dans le palais de cette personne qui était ennemie de Moussa, mais aussi et principalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est retrouvé dans son palais et a été éduqué par qui? par Asiya. Par Asiya, yuhal ikhwatul kiram. Dans le palais de Pharaon, encore une femme. Encore une femme. Donc on a Ismaïl, on a Moussa, on a Isa, et on a Muhammad ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam. On a tous ces grands prophètes, ayyuhal ikhwatul kiram, qui font partie de des doués de détermination, ulul azm ayyuhal ahbab, qui ont été proches dans leur enfance, car là nous sommes dans l'enfance, ayyuhal ikhwatul kiram. On est dans l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui nous importe au jour d'aujourd'hui. C'est l'enfance du prophète alayhi salatu wassalam. Pas sa jeunesse, son enfance. La semaine prochaine, on parlera de la jeunesse du prophète. L'enfance du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont passé leur enfance auprès de leur mère. Et ceci prouve et rappelle que Al-Umm hiya madrasatul ula. Que la mère, c'est la première des écoles. La mère, c'est la première des écoles. Donc tous ceux qui ont le souci d'éduquer leurs enfants, à nous de voir l'enfance et de chercher et comment le prophète alayhi salatu wassalam a passé son enfance. À nous de voyager dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Si nous on veut avoir une bonne descendance, éduquer comme il se doit nos enfants, à nous de voir quelle enfance a eu le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam qui a grandi auprès de sa mère, je parle de son enfance, jusqu'à à peu près 6 ans. Jusqu'à à peu près 6 ans, comme on va le voir. Il était auprès de sa mère. Ça, c'est pour nous rappeler. Et rappeler principalement aux célibataires. Rappeler principalement aux célibataires que la première école, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est la mère, al-umm. C'est elle la première école. C'est la mère. Donc, si tu veux avoir une descendance pieuse, si tu veux avoir des enfants pieux, avant de te marier, choisis la première école à tes enfants. Voilà comment ça commence. Tu choisis la première école à tes enfants. La mère, au lieu de faire passer tes passions et tes plaisirs, au lieu de faire passer des critères qui ne sont, ou plutôt qui sont loin d'être les critères principaux demandés en islam, fais devancer la piété, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Fais devancer, ayyuhal ikhwatul kiram, fais devancer la piété pour que tu aies une mère qui soit une bonne éducatrice. Car non seulement ça sera la mère de tes enfants, mais la première école de tes enfants. Donc voilà où commence l'éducation des enfants. C'est en cherchant une femme pieuse. Deuxième des causes. Donc là on a la première des causes. Et on a donné les preuves. Et on va voyager ici, non seulement à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi à travers Al-Qur'an Al-Karim. Donc ici, on sait que la première des causes, pour que nos enfants soient bien éduqués, بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, et ceci par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut choisir une femme vertueuse, car la femme au sein du foyer a son mot à dire et a son rôle aussi. Non seulement elle a son mot à dire, mais elle a son rôle. Est-ce qu'une personne peut s'avancer et dire, moi ma femme, elle a rien à dire, elle a pas son mot à dire? Eh bien nous disons, ça c'est une erreur. Tu as droit de consulter ton épouse. Non seulement tu as droit de la consulter, mais elle doit participer, ton épouse, ici, dans le foyer conjugal, pour prendre des décisions et autres. Tu la consultes, et toi tu tranches. La haraj, toi tu tranches, tu prends la décision finale. Lakin, ici, elle a droit d'être consultée, même plus que cela, elle doit être consultée. Et surtout concernant l'éducation des enfants. Car elle a son rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Une femme pieuse n'est pas une femme qui sait faire à manger, qui sait faire le ménage et qui obéit à son mari et on arrête là. Ça, ce n'est pas une femme pieuse. On va dire c'est des critères de piété chez une femme musulmane. Lakin, ce qui nous importe le plus, c'est qu'elle est que cette femme-là soit proche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes d'adoration. Que cette femme-là se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Car la femme, je le dis encore une fois, c'est la première éducatrice. Si tu as compris ça, sache que ici, tu es sur le chemin de la bonne éducation pour tes enfants. Ça y est, alhamdoulilah. Donc, fais ici participer ton épouse, ici, concernant ce grand rôle qui est l'éducation de tes enfants. Elle doit être proche de ton enfant. Elle doit être sévère quand il faut être sévère. Elle doit être douce quand il faut être douce. Elle doit lui apporter ici une éducation islamique. Si elle a le temps de lui apprendre le Coran al-Karim, qu'elle le fasse. Si elle a le temps de lui enseigner la prière, qu'elle le fasse. Donc ta mère, ou plutôt, yani c'est ta mère aussi de toute façon, la femme en islam a son rôle et un rôle très important à jouer dans l'éducation des enfants. Et celui qui dit le contraire, nous lui disons tout simplement, va ici relire quelques biographies, comme la biographie de Ismaïl alayhi salam, de Isa alayhi salam, de Moussa alayhi salam et de Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Naam. La deuxième des causes. Maintenant, quelqu'un dit, moi je veux des enfants pieux, masha'Allah, qui sortent, masha'Allah, min al-ulama, qui soient parmi les savants. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et ça, je dis, c'est les causes principales. Ça, c'est les causes principales. Tu as choisi la bonne épouse. La deuxième des causes, quelle est la deuxième des causes? Qui pourra me dire la deuxième des causes? Masha'Allah. On va apporter les preuves. Non seulement de la sunnah, mais du Coran. Min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On va apporter les preuves. Ça, c'est les causes principales. Ne me dites pas qu'il y a d'autres causes principales, hein. Avant les causes que je viens de vous citer. Ça, c'est les causes principales. Et ensuite, at-tartib, l'ordre. Ça, c'est que toi, tu sois vertueux. Et on avait cité précédemment, ou plutôt la semaine dernière, le hadith que je vous avais rapporté par Mohammed ou Abu Mohammed Afwan al-Ansari et d'autres, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda, qui a rapporté la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala rend vertueux. Allah rend vertueux. Naam, Allah rend vertueux, c'est Allah qui rend vertueux, car nous sommes que des causes. Wal asbab la tadur wa la tanfa' illa bi ibnillah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Illa bi ibnillah jalla wa ala saf, les causes ne te profitent en rien et ne t'apportent aucun mal sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord? Donc Allah rend vertueux, il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala rend vertueux le fils dont le père est lui-même vertueux. Allah rend vertueux le fils dont le père est lui-même vertueux. Ça veut dire quoi? Moi je veux un enfant qui apprenne le Coran al-Karim tout entier. Lakin moi je ne veux pas apprendre le Coran al-Karim. Masha'Allah. On va dire, il a compris l'éducation. Il a rien compris. Moi je veux un enfant qui soit masha'Allah alim. Lakin quand j'entends parler de science, je me détourne. Je ne veux pas apprendre la science. Masha'Allah. Allah Iber. Et on va apporter les preuves, hein. On va pas s'arrêter là. On va apporter les preuves dans les détails et avec les paroles des savants. Et il y a d'autres qui disent quoi? Moi, je veux un enfant qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qui baisse son regard, qui soit chaste, qui, masha'Allah, parle avec adab, avec ses parents et qui respecte ses parents. Lakin, quand moi je parle avec mes parents, oh, laisse-moi tranquille, toi. Masha'Allah. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris, ayyuhal ahbab. Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu la compréhension, qui n'ont pas eu al-basira, la clairvoyance, qui n'ont pas eu al-hikma. Et al-hikma, j'entends par al-hikma, ici, ce qu'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire avoir le comportement qu'il faut au moment qu'il faut envers la personne qu'il faut. Ça, c'est un manque de basira. D'abord, toi, sois vertueux. Et pourquoi pas, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, laysa lil-insana illa ma sa'a. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai cité la semaine dernière, Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, et l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Donc vous suivez bien là. La femme vertueuse, car c'est la première école. Que toi tu sois vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. On a cité la parole ici où le prophète a dit Allah rend vertueux le fils dont le père est lui-même vertueux. Et nous disons fabi salah il ab yahfadhu Allah tabaraka wa ta'ala adh-dhurriyya. Par la piété ou la vertu du père, Allah subhanahu wa ta'ala préserve ta descendance. Et ça c'est très important, ayyuhal ahbab. Très important. Allah subhanahu wa ta'ala, par ta piété et dû à ta piété, Allah préserve ta descendance. Vous avez tous sûrement lu surat al-kahf. Vous avez tous sûrement lu au moins une fois, j'espère en tout cas. Donc ça c'est ce qui relève de la sunnah, c'est de la lire au moins tous les vendredis. Ici surat al-kahf. D'accord? Surat al-kahf, la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des passages de surat al-kahf, donc il parle de al-khadir. Al-khadir avec Moussa alayhi salam. Donc ici al-khadir qui a été envoyé ici pour rappeler à Moussa alayhi salam, parmi les causes et les sagesses, hein, que au-dessus de chaque savant il y a un savant. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans surat Yusuf, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Et au-dessus de chaque détenteur de science, il y a quelqu'un qui a plus de science. Naam, il y a plus savant. Moussa alayhi salam, et donc je vous renvoie à Surat Al-Kahf, hein, je ne vais pas m'attarder, sinon il nous faudrait hein, une série de conférences et de cours. À la Kouliha, je vous renvoie à Surat Al-Kahf. Donc, Moussa, alayhi salam, quand il se retrouve avec Al-Khadir, donc il a vécu plusieurs situations qui ont pris Moussa, alayhi salam, d'étonnement. Moussa, alayhi salam, n'a pas compris tout de suite. Il a compris le comportement d'Al-Khadir, et je vais citer simplement une situation parmi les situations qu'a vécu Moussa, alayhi salam, avec Al-Khadir. Donc, c'est simplement quand Al-Khadir a expliqué le pourquoi de ses comportements que Moussa a compris. On est d'accord. Donc ici, ça nous rappelle aussi que quelquefois, on voit des gens qui ont certains comportements, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop. Et on comprend que un an, quelquefois 6 mois, quelquefois 2 ans, quelquefois 10 ans après, pourquoi cette personne a eu ce comportement-là. Ça, ici, en général, c'est dû à un manque de clairvoyance. Et quelquefois, un manque de hikmah. C'est pour ça que Hudhayfa radiallahu anhu arda, il parlait des gens de science et il disait que les gens de science voient et remarquent al-fitan, les troubles. Ils remarquent, ils repèrent, ils analysent les troubles, les gens de science, avant que ces troubles parviennent. C'est vrai ou pas? Avant qu'ils parviennent, ils ont déjà capté les gens de science, les troubles, al-fitan, où ils sont, comment ils vont arriver, qu'est-ce que vont engendrer ces fitan. Et il dit, Hudhayfa radiallahu anhu arda, et c'est une parole de Hudhayfa qui est reprise par beaucoup de savants et qui est vraie. Et authentique de toute façon, comme on le voit au jour d'aujourd'hui. Et il dit, tandis que l'ensemble des gens, le commun des gens, c'est-à-dire, on ne parle plus de savants, de gens de science, et les gens comme moi et vous, ici, se rendent compte de l'fitna, ou qu'il y a eu une fitna quand, à quel moment? Après qu'elle soit apparue. Tandis que le alim, avant qu'elle intervienne, avant qu'elle n'arrive à l'fitna, il l'a déjà capté, il l'a déjà analysé. Ça, c'est le basira. Ça c'est le hikma, ça c'est l'ilm, ayyuh al-ahbab. Ça c'est la clairvoyance, ça c'est la sagesse, ça c'est la science, ayyuh al-ahbab. Ça ce n'est pas donné à tout le monde. À la kulli hal, on revient. Moussa alayhi salam, avec Al-Khadir, certaines situations il n'avait pas trop compris. Et ensuite, quand Al-Khadir lui a rapporté yani, le pourquoi de ses réactions, donc il a compris mieux. Parmi ces situations que Moussa a vécu avec Al-Khadir, parmi ces situations, c'est quoi? C'est que Moussa alayhi salam a vu Al-Khadir tuer un enfant. Il a vu Al-Khadir tuer un enfant, comme il est cité dans le verset 65. D'accord? Donc je vous parle de Al-Khadir, verset 65. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs, c'est-à-dire Al-Khadir, à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 80, toujours de Surat Al-Kahf, quant au garçon, c'est Al-Khadir qui parle. D'accord? Donc Allah cite ce que Al-Khadir a dit. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Donc Moussa alayhi salam, il n'a pas compris que Al-Khadir ait tué cet enfant. Et donc il a dit, mais tu as fait une chose affreuse, comme il est cité dans le Coran Al-Karim. Et Al-Khadir a dit, je t'avais dit que tu ne pourrais pas patienter. Et il a dit, Moussa alayhi salam, il lui a imploré de le laisser, de lui pardonner, de l'excuser. Yani parce que Al-Khadir lui a mis une condition. Il a dit, tu me suis, mais ne m'interroge pas dans ce que je vais faire. Donc plus loin, je parle que de cette situation-là. Hein. Donc plus loin, quand il lui a donné explication quant au fait, c'est-à-dire Al-Khadir, il a expliqué à Moussa pourquoi il a tué cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 80, il dit, quant au garçon, donc il explique à Moussa pourquoi je l'ai tué. Quant au garçon, ses pères et mères. Écoutez bien, ses pères et mères. Vous êtes bien, vous suivez bien. Ses pères et mères étaient des croyants. Voilà la cause. Étaient des croyants. Donc, ça c'est kalamullah ayyuh al-ahbab. Fi kitabihi al-aziz. Ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ses parents de quoi? D'avoir un enfant qui se rebelle ou bien qui soit mécréant. Et il dit, nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Pourquoi? Verset 80, il commence par quoi? Il dit, quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Naam, étaient des croyants. Ça, les savants disent que ce verset prouve encore que par la vertu du père et de la mère, par la piété des parents, par la cause de cette piété-là, Allah subhanahu wa ta'ala préserve ta descendance. Allah subhanahu wa ta'ala préserve ta descendance. Donc on a dit l'affaire, la femme pieuse, la mère pieuse, l'épouse pieuse, c'est la première des écoles. Quand tu as respecté cette étape, tu as déjà fait beaucoup dans l'éducation de tes enfants. La deuxième étape que toi, Deuxième des étapes, afin que toi tu sois vertueux, que toi tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu veux pour ton enfant, fais-le toi. Tu veux qu'il soit un savant, fais les causes pour, on ne dit pas peut-être être un savant, lakin d'apprendre ta science. Tu veux qu'il craigne Allah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux qu'il apprenne le Coran al-Karim, apprends le Coran al-Karim. Et wallah, il y a beaucoup de paroles de salaf que je n'ai pas prises. Ici, à l'opportunité, inshallah, si je fais encore l'éducation des enfants, troisième partie, je les citerai. Beaucoup de salaf, qu'est-ce qu'ils faisaient, des ancêtres pieux? Ils augmentaient quelquefois et amenaient des prières et disaient, je fais ça en espérant que par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala préserve mes enfants. Et il faisait beaucoup d'actes d'adoration et il disait, je fais ces actes d'adoration en espérant que par ces actes d'adoration, Allah préserve mes enfants. Ça c'est quoi? Al-fahmu sahih. La bonne compréhension. Il sait que plus il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ceci sera la cause, ou ceci sera la cause principale, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préservera sa descendance. Préservera sa descendance. Et je dis pas ses enfants. Al-awlad wa dhurriya. Huna farq. Il y a une différence entre les enfants et la descendance. Troisième des causes principales pour l'éducation des enfants. T'as la femme vertueuse. Alhamdulillah, t'as la première école. Toi, tu es vertueux. Alhamdulillah, ça sera une cause bi'idnillah par laquelle Allah préservera tes enfants. Troisième des causes, ayyuhal ahbab, ad-du'a. L'invocation. Ad-du'a, huwa al-ibada, kama qala alayhi salatu wassalam. L'invocation, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith al-sahih, il dit, l'invocation, c'est l'adoration même. Avec une traduction approchée, c'est l'adoration même. Ad-du'a. Et on ne demande pas, et ça je vous l'ai déjà dit, déjà cité, on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des enfants pieux. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une descendance pieuse. Wallavina, et là on parle de qui? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat al-Furqan, il parle de wa ibadur rahman, les serviteurs du miséricordieux. Plus loin il dit, wallavina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriya. Wa dhurriya, ربنا هب لنا من ازواجنا وذريه قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Suivez bien. واجعلنا للمتقين اماما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, il parle des serviteurs du miséricordieux, il dit ceux qui disent والذين يقولون ربنا, et ceux qui disent oh Seigneur, Seigneur, donne-nous en nos épouses, d'accord, et nos descendants la joie des yeux. قرة اعين, la joie des yeux. Et fais de nous un guide pour les pieux. Donc on demande la joie des yeux en nos épouses, en nos descendants, mais Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle de ne pas t'oublier toi-même. Na'am, waj'alna lilmuttaqina imama. D'accord? Et fais de nous un guide pour les pieux. Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, l'adorateur, à travers cette invocation, l'adorateur espère qu'Allah voit son épouse. L'adorateur espère qu'Allah voit son épouse, son frère, son ami obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la joie des yeux ici, par beaucoup de mufassirin ala kulli hal, ici ils disent que ça concerne quoi, la joie des yeux? Ça représente quoi? La joie des yeux, c'est le fait de voir ton épouse pieuse et tes enfants pieux. Ça c'est la joie des yeux, ayyuhal ikhwatul kiram, et tout le monde le sait. Ça c'est la joie des yeux. Et ici Allah t'enjoint et te rappelle de l'invoquer et de lui demander, non pas des enfants pieux, mais une descendance pieuse. Une descendance pieuse, ayyuhal ahbab. Ne demandez pas que des enfants pieux, mais une descendance pieuse. Waj'alna lilmuttaqina imama. Sans t'oublier toi-même. Parce que nous disons et nous répétons encore une fois. Si tu veux des enfants pieux, sois toi pieux. Si tu veux des enfants qui travaillent, fisabilillah pour la communauté, travaille fisabilillah pour la communauté. Si tu veux des enfants qui s'investissent ici, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'avancée de la religion, investis-toi ici pour avancer ici ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa hakada. Et c'est comme ça, il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Chaque homme ici trouvera ce qu'il a semé, chaque homme trouvera ce qu'il a semé, ayyuhal ahbab. Si toi t'as fait les causes comme il se doit, wallahi bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, et je parle de façon générale, il y a toujours des particularités. Quelqu'un va me dire, mais oui, et là on a l'histoire de Nuh alayhi salam, qui son fils est mort alors qu'il était mécréant, et on a l'histoire. Naam, je parle de façon générale. On ne parle pas de particularités ou de cas, yani, où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ainsi. que le père soit pieux, que la mère soit pieuse et que l'enfant meure mécréant. Ça arrive. Naam, ça arrive. Mais nous disons de façon générale, ayyuhal ahbab, si tu fais les causes et les principales causes que je viens de citer, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tes enfants seront pieux, inshallah wa ta'ala. Bien plus que cela, tu auras une descendance vertueuse. Alhamdulillah. Ça, c'est les principales causes. Mais je ne dis pas que c'est les seules causes. Il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes. J'insiste sur ce sujet parce qu'il y a de plus en plus de frères qui nous parlent de l'éducation des enfants. Walillahi alhamd, c'est un grand bien. Il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui nous parlent de l'éducation des enfants et qui s'inquiètent quant à l'éducation des enfants. Donc je répète, la femme pieuse, je répète encore une fois, il y a que toi tu sois pieux. Parmi les causes aussi, il y a, principale, ad-du'a. Ensuite il y a les causes en soi, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes, ayyuhal ahbab. C'est quoi les autres causes? C'est des causes très claires, connues, répandues. On n'a rien sans rien. C'est à toi de faire un programme à tes enfants. C'est à toi de faire un programme à tes enfants, de leur éduquer l'iman ou l'aqidah al-sahiha et de leur enseigner, leur apprendre le Coran, le Karim, le comportement, etc. Tu dois leur faire un programme. On n'a rien sans rien. C'est pas toi, tu vas dire, bon maintenant moi je suis pieux, je fais du'a, ma femme est pieuse, laquelle on fait aucun programme à nos enfants. Eh bien ça on dit quoi? C'est un égarement. Ça, on a cité les causes principales que malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs délaissent et passent aux causes que je vais citer maintenant. Mais les causes que je vais citer, ils ne sont surtout pas à négliger. C'est des causes très importantes dans l'éducation des enfants. Et ces causes qui sont très importantes, il y a quoi? Il y a le fait d'établir et de mettre en place un programme d'éducation à nos enfants. De mettre en place un programme d'éducation à nos enfants. Et vous savez que les savants, ici, disent que l'âge de l'enregistrement, d'accord, l'âge le plus adéquat pour qu'un enfant enregistre le maximum d'informations, c'est entre 5 ans et 15 ans. C'est entre 5 ans et 15 ans. À partir de 5 ans, vous savez très bien que l'enfant, ici vous le voyez, qui commence à être apte et avoir les facultés d'enregistrer énormément d'informations. À partir de 5 ans jusqu'à 15 ans. Ça c'est le meilleur âge où il faut vraiment se concentrer et prendre au sérieux cette lourde responsabilité qui est d'éduquer tes enfants. C'est pas simplement je fais des enfants, ah j'en ai 10, j'en ai 12, j'en ai 15 et on est content, on leur met des beaux habits comme je l'ai dit, je le redis et on est tout content, tout fier. Et après dès qu'ils ont 7 ans, 8 ans, on se rend compte, au fait comment je vais éduquer mes enfants? Et là il y a un problème, comment je vais faire? Avant que tu te maries, tu dois avoir pensé à tes enfants. Avant normalement, parce qu'on a dit quoi? La première des écoles c'est l'épouse. C'est l'épouse. Et on a dit la cause principale, parmi les causes principales, c'est l'épouse. Car c'est la première éducatrice, c'est la première école. Donc normalement, si vraiment tu avais le souci d'éducation, ou plutôt d'avoir des enfants vertueux, une descendance vertueuse, avant de te marier, déjà tu pensais déjà à cette éducation. Déjà, c'est logique ou pas? Non. Donc ici, on dit de mettre un programme. Et le programme, ce n'est pas un programme une fois par semaine. Ou alors une fois dans le mois. C'est tous les jours, ayyuhal ahbab. C'est tous les jours. C'est pas un jour sur deux, c'est tous les jours. Tous les jours programme. Tous les jours il faut adapter un programme à l'enfant. Si vraiment ici tu veux que ton fils acquiert un haut niveau, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tous les jours tu lui fais un programme. Vaut mieux lui faire un programme tous les jours assez léger, 20 minutes, une demi-heure, ou bien il n'y a que de lui faire une fois par semaine pendant 4 heures. C'est mieux de lui faire journalièrement, si, tous les jours plutôt, si tu n'as pas les capacités d'inscrire ton enfant dans une école, par exemple, coranique, ou bien dans une école islamique, ou bien dans une école qui, donne, par exemple, je prends notre cas en France, éducation nationale, en parallèle, une éducation islamique. On dit à la kulli hal, tous les jours, à toi de faire un programme à ton fils chez toi à la maison le soir, quand il rentre de l'école, je parle ici de l'waqi', de la réalité des choses, par exemple, nous en France, de lui faire un programme chaque jour, un petit programme. Celui qui me dit j'ai pas le temps, je dis c'est un menteur. Je dis c'est un menteur. Vous allez me dire que même si vous travaillez, vous n'avez pas le temps chez vous de vous asseoir. Même ceux qui travaillent, les non-musulmans, ils trouvent au moins le temps de regarder pendant une demi-heure le journal télévisé à 8h. Ils mettent à 8h parce qu'ils finissent le travail 6h, 6h30, le temps qu'ils font une douche, ils mangent, ça ils sont tranquilles allongés. C'est vrai ou pas? Tout le monde a au moins une demi-heure, même si tu travailles. Au moins une demi-heure. Et que quelqu'un qui me dise non, je n'ai pas le temps, je dis c'est un menteur. Au moins une demi-heure. Ahlul ilm, ayyuhal ikhwatul kiram, wallahi al-adim, les savants, Et allez voir la biographie, même des savants contemporains. Je vous invite, Cheikh Al-Uthaymin et autres, juste les contemporains. Et vous allez voir qu'ils trouvaient le temps à donner à leur famille, à leurs enfants, à s'asseoir avec leurs enfants, à les éduquer. Tout le monde doit au moins trouver une demi-heure, au moins une demi-heure. Je parle de la réalité des choses, le concret, nous qui vivons par exemple en France. Au moins une demi-heure par jour accordée à nos enfants pour s'asseoir avec eux, leur faire un petit programme de révision du Coran, leur faire un petit programme ici concernant Al-Aqida wa Tawhid, etc. Tout le monde doit le faire, au moins une fois par jour. Si tu as les capacités de le mettre, alhamdoulilah, 4 heures par jour, alhamdoulilah, fais-le. Lakin de se dire, non, moi, je ne peux pas, je peux faire ça qu'une fois par semaine, ou disons, ça c'est une erreur. Et c'est un manquement à ta responsabilité, ya Akhil Karim et ya Ukhti Karima. Tous les jours, il faut un programme avec l'enfant. Maintenant, de me dire, moi, je veux que mon enfant soit pieux. Et je veux que mon enfant soit une personne vertueuse. Et qu'il apprenne le Coran et le Karim. Écoutez bien. Et que passé l'âge de 5 ans et de 6 ans, on est encore en train de monter la tête à nos enfants avec des jeux vidéo. Et avec des dessins animés. Du matin jusqu'au soir. Mais ça, c'est du pur mensonge. On se ment à soi-même et on ment à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment toi, tu laisses ton enfant, même les non-musulmans le disent, que c'est du bourrage de crâne et que c'est ces jeux qui sont mis en place, qui sont donnés ou réservés pour les enfants, je dis entre guillemets pour les enfants, car les adultes jouent même plus que les enfants maintenant, et les dessins animés, ça abrutit les enfants. Ça abrutit les enfants. Ils restent pendant une heure comme ça. On dit, ils captent plus rien. Qu'est-ce qu'il a appris pendant une heure? Alors si toi tu t'assois avec lui pendant une demi-heure, et tu lui dis maintenant, à ton niveau, on va commencer la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, sans rentrer dans les détails, à ton niveau, chaque jour tu fais un petit passage. Ou tous les deux jours, pour une histoire, et qu'il soit un peu imprégné et qu'il soit dans l'ambiance ici. Donc ici, si tu lui fais ça, est-ce que ça va être plus bénéfique que qu'il soit resté devant un dessin animé ou qu'il soit devant un dessin animé pendant une heure et demie? Il a appris quoi? Il a appris que Tom, il court après Jerry. Hein? Il a regardé 10 ans de dessin animé, qu'est-ce qu'il a appris? Tom et Jerry, qu'est-ce que t'as appris? Bah Tom, il court après Jerry. Ça y est, on a tous appris que ça. Tom, il a envie de manger Jerry. C'est vrai ou pas? Il n'y a que ça. Voilà la conclusion du dessin animé Tom et Jerry, par exemple. Tom, il court après Jerry. On sait, bah, on a que c'est une catastrophe. Moi, je veux des enfants vertueux. Jeux vidéo, dessins animés, parce qu'on n'a pas le temps. Et surtout, surtout les épouses. Je ne vise personne, je parle de façon générale. Il y a beaucoup de femmes qui, pour entre guillemets se débarrasser un peu des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur mettent un dessin animé, ils les mettent devant le poste télé. Allez, regarde. Alors moi, je suis tranquille, je fais mon ménage. Une heure, on se rend même pas compte. Après, quand tu te poses et tu fais le calcul, combien de temps l'enfant a regardé les dessins animés. Wallah, si on fait un peu, on se remet en question un peu. Tu te rends compte qu'il a peut-être regardé 6 heures ou 7 heures de dessins animés par semaine. C'est de la folie. Peut-être une heure de dessins animés par jour. Vous imaginez, s'il faisait une heure de cours par jour, pendant 7 heures, s'il prend le toit, il fait lui cours. Naam. Donc ça, c'est la première des responsabilités qu'on a, c'est de mettre un programme en place, je dis, à la maison. À la maison. À la maison. Ensuite, dans les mosquées, alhamdoulilah, ou dans... Si bon, ici on parle du concret, hein. Si tu vois qu'il y a, alhamdoulilah, quelque chose qui est mis en place dans une mosquée ou dans une école coranique, yani, pour pouvoir emmener ton enfant à l'école, etc., avec, je dis bien, une personne qui est apte à enseigner l'islam à ton enfant, c'est-à-dire qui est awwalan du bon minhaj, ayyuha al-ikhwatul kiram. Deux, qui a les capacités, qui a la pédagogie et qui a la sagesse pour enseigner aux enfants. Car il ne faut surtout pas dégoûter l'enfant à son plus jeune âge. Car tu voudras faire le bien alors que tu vas faire du mal. Et il ne faut surtout pas mettre une personne, et je le dis clairement, qui n'est pas du bon minhaj. Car celui-là, qui va être en face de ton fils, et Abdallah, ça va être l'exemple de ton fils, que tu le veuilles ou non. Pour lui, il va grandir, ça va être son shir, ou son professeur, que tu le veuilles ou non. Il va voir en lui une personne référente. Imagine-toi que toi, cette personne-là, éduque ton enfant, Al-Qur'an, Al-Karim ou toute autre chose, et lui fait passer des maladies concernant Al-Aqidah. Concernant les dogmes, et qu'il rentre chez toi et tu lui dis, oh mon fils, baisse la musique du dessin animé, ça c'est interdit. Ah non, bon, le professeur il m'a dit que tu pouvais, mais de temps en temps, tu vas faire quoi? Même si tu lui dis quoi que tu veux, il va dire, toi t'es pas mon professeur. Au fond de lui, il va dire, lui c'est mon professeur, si toi t'étais mieux que lui, ça serait toi qui serait en train de nous faire des cours, qu'on le veuille ou non. Un enfant c'est comme ça, c'est très malin. Un enfant c'est très malin. Donc ici, il faut faire très attention à la personne qui est en face. Et je vous renvoie ici. Regardez quand vous voyez par exemple, des enfants, je parle des écoles coraniques, je ne parle pas des mosquées, hein, qui, nous on essaye de minimiser, on faire un petit programme en parallèle et autres. Quand vous voyez dans des mosquées, et qu'il y a des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui apprennent le Coran et le Karim, c'est qui leur chir? En général, c'est des personnes qui passent les 40-50 ans. C'est des personnes âgées. c'est les meilleurs récitateurs du Coran, ceux qui connaissent le mieux les règles, ahkam al-tajwid, qui ont le plus haut niveau qui enseignent. C'est pas n'importe qui, c'est pas du dépannage les enfants. On dit bon, toi, bon, c'est pas grave, c'est un petit, toi tu connais un peu le Coran, vas-y viens lui faire. Abadan, l'enfant c'est pire. Et ça c'est Kalamullah, on joue pas avec Kalamullah. Ça c'est pire, l'enfant, il doit commencer avec une base très solide. Très solide. C'est pas parce que c'est un enfant, non, au contraire, il faut qu'il commence à prendre le Coran al-Karim comme il se doit, pour pas perdre son temps, avec l'ahkam comme il se doit. Wa rattil al-Quran tartila, et récite le Coran comme il se doit. Le Coran al-Karim, il ne se récite pas comme toi tu veux, mais comme Allah a voulu qu'il se récite. Il a été récité, élu, ou plutôt récité de Jibril au prophète Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, et du prophète aux compagnons. C'est pas pour qu'après n'importe qui enseigne le Coran à nos enfants. Abadan, on joue pas avec ça. Et que ça soit une personne référente. Et ça c'est très important. Ça c'est très important. As-salaf, ils disaient, les ancêtres pieux, on enseignait à nos enfants al-iman qabla al-Qur'an. On enseignait à nos enfants al-iman, la foi. On enseignait à nos enfants al-aqaïd, les dogmes, avant al-Qur'an al-Karim. Car ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est l'aqidatu sahiha. C'est la bonne croyance, ayyuhal ahbab. C'est la bonne croyance. Quelqu'un va dire, mais non, le Coran c'est plus important. Eh bien, nous disons non. Nous disons non. Est-ce qu'il y a des soufis qui connaissent le Coran par cœur? Est-ce qu'il y a des chiites qui connaissent le Coran par cœur? Est-ce qu'il y a des mu'tazilas qui connaissent le Coran par cœur? Est-ce qu'il y a des sectes égarées qui connaissent le Coran al-Karim par cœur? Non. Ce qui est le plus important, c'est la bonne aqidah. Et le Coran, c'est extrêmement important. L'enfant se doit de faire un programme pour essayer d'apprendre le Coran al-Karim dans son enfance tout entier. Ça va lui servir et ça sera un bagage très important. Lakin al-Iman. Je faisais un petit test avec les frères il y a deux jours. C'est pas pour, je ne citerai pas le nom de l'enfant, hein, et de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne lui aurait pas enseigné à l'enfant, il ne l'aurait pas fait. Sauf certains, on va dire, privilégiés. À la Koulihan, on a pris deux enfants, juste pour montrer un peu à certains frères. Je dis, regarde ce qui est le plus important. Et dis-moi si, Yanné, dites-moi ici, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Un enfant, il y avait deux enfants devant nous. Très jeunes. Ils n'avaient même pas 6 ans. Donc, un, on lui a dit, écoutez, on a dit aux deux jeunes, on va faire un petit jeu. On va dire, dès que je vous dis de lever la main, vous levez la main. Mais si Allah ne vous voit pas. Je vous dis, levez la main, vous levez la main, mais si Allah ne vous voit pas. Il se dit, d'accord. Je leur dis, levez la main. Il y en a un, il a levé, l'autre, il n'a pas levé. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce qu'Allah me voit. Tout simplement. Il n'y a pas de secret, celui qui n'a pas levé la main, il n'a pas une révélation, hein, on lui a appris. Donc ici, simplement, regardez, ça c'est l'aqidah. Se mettre à leur niveau, ça tu as gagné énorme. L'enfant, il grandit en sachant qu'Allah le voit dans n'importe quel endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala le voit tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Tu lui as appris énorme, ya Abdallah. Où elle est cette pédagogie au jour d'aujourd'hui? On ne comprend même plus qu'est-ce qui est le plus important, du moins important. Tout est important dans la religion. Na'am. Lakin, ici, il faut apprendre à nos enfants al-aqidatu sahiha et al-Qur'an al-Karim. Donc nous disons, fais un programme en parallèle dans les mosquées et autres. Mais lakin, il doit toujours y avoir un programme régulier à la maison. Toujours. Et c'est pas triste ça, ayyuhal ahbab. On fait une annonce, je parle encore d'un fait concret, encore au jour d'aujourd'hui, ici à la mosquée. Pour ici faire un programme pour les enfants, on dit, bon, on fait une annonce pour voir les parents, qui va être motivé, qui va pas être motivé, est-ce qu'on fait samedi, est-ce qu'on fait dimanche, etc. Qui est venu nous voir? Qui est venu nous voir? 200 personnes qui écoutent le sermon du vendredi. 200. Tout le monde a au moins un enfant. Bon, je dis pas, il y en a, ils ont pas 5 ans, leurs enfants et autres. Qui? 2 personnes viennent nous voir? Ou 3? C'est pas une catastrophe ça? Wallahi que c'est une catastrophe. Normalement, on doit courir. Et ça, je ne parle pas, hein. Même faire 2 cours ici à la mosquée ou 3 cours par semaine, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Soit tu mets ton enfant dans une école islamique, alhamdoulilah, du matin au soir, il apprend. Et à côté, on dit, il ne faut pas délaisser. Il ne faut pas délaisser l'éducation ici qui va permettre à ton enfant peut-être d'être ingénieur ou d'être médecin ou autre. Nous, on a besoin d'enfants intelligents. On n'a pas besoin d'enfants ici qui restent enfermés dans une mosquée. Non, on a besoin d'enfants intelligents. Lakin, ce qui devance et ce qui est principal et ce qui nous importe le plus, c'est que nos enfants soient pieux et qu'ils apprennent avant n'importe quelle autre science, la science islamique. Et qu'ils apprennent avant n'importe quelle langue, la langue arabe. Ça, c'est clair et net. Et ceci à l'unanimité des savants, yu al-ahbab. Donc nous disons ici à nous de faire un programme adéquat à nos enfants. Et quand nous entendons qu'alhamdoulilah, il y a des petits programmes en plus, ça c'est des plus, qui se font à la mosquée. Et si quelqu'un a un enfant, qui vient l'inscrire. Alhamdoulilah, pour qu'il y ait des grands groupes et qu'on puisse adapter 1 cours, 2 cours, 3 cours, on voit. Mais subhanallah, quand tu vois qu'on vient te dire, moi je ne peux pas, mais ah non pas ce jour, pourquoi? Parce qu'un jour on va vous dire, mon fils il a sport. Après un autre jour on nous dit, oui mais mon fils il a balade. Un autre jour mon fils il... Il faut savoir ce qu'on veut. faut savoir ce qu'on veut, ayyuhal ahbab. Donc ici, il y a, yani, chacun d'entre nous doit se remettre en question quant à l'éducation de nos enfants. Ça, c'est une petite bifurcation. Mais c'est important car on est dans l'enfance de la meilleure des créatures qui est sur la surface de la terre, ou qui est sur la surface de la terre, Mohammed ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam. Il a grandi, ayyuhal ahbab, sans avoir son père auprès de lui. Imaginez-vous, il était orphelin de père, bien plus que cela. Bien plus que cela. Il a eu, yani, cette épreuve-là de grandir orphelin de père, et voilà qu'il arrive à 6 ans et qu'il perd sa mère. Et on va le voir par la suite. À 6 ans, il a perdu sa mère. Il n'avait ni père et ni mère, ayyuhal ahbab. Ça, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Après que le prophète alayhi salatu wassalam soit né, il a été allaité. Il a été allaité. Certaines personnes et certains historiens disent qu'il a été allaité par Halima al-Sa'diya. Halima al-Sa'diya. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'avant d'être allaité par Halima al-Sa'diya, il y a d'autres femmes, et dont sa propre mère Amina, qui l'ont allaité. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala. Et on va voir le hadith apporté par le Bukhari et le Muslim, où le prophète alayhi salam cite aussi cette femme qui s'appelle Thuwayba, qui a allaité le prophète alayhi salam, et ceci, ou plutôt celle-ci, avant que Halima al-Sa'diya allait le prophète alayhi salatu wassalam. Naam, donc Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il rapporte que Amina bint Wahb, qui est la mère du prophète alayhi salatu wassalam, a allaité son enfant, Ibn al-Qayyim dit, 3 ou 7 jours. 3 ou 7 jours. À la kulli hal, on sait que c'est une petite période, laquelle que Amina, sa propre mère, l'a allaité le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est rapporté qu'il y a eu aussi Thuwaybah, comme le prophète l'a mentionné dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, et il y a aussi Ummu Ayman. Ensuite, il y a eu Halima al-Sa'diya, qui a allaité le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi Amina n'a pas continué l'allaitement du prophète, alayhi salatu wassalam? Ici, premièrement, il faut savoir que c'était coutume chez les Arabes de faire allaiter leurs enfants par des nourrices. C'était de coutume, premièrement, c'était des coutumes. Et il y avait plusieurs raisons et plusieurs sagesses à cela. C'est-à-dire quand, ici, ils avaient des enfants, ils faisaient allaiter leurs enfants, ici, par des nourrices, et principalement par des bédouines. Et il est rapporté que, parmi ces sagesses-là, c'est qu'ils voulaient préserver, écoutez bien, on en revient à l'éducation des enfants, la langue arabe. Ils voulaient préserver la langue arabe, c'est-à-dire qu'ils voulaient éloigner leurs enfants de ce périmètre qui était al-haram, la terre sacrée, hein, qui était une sorte de plaque tournante. Naam, parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui se rendaient ici pour faire, dans cet endroit, pour faire le pèlerinage, où il y avait la Kaaba à la Mecque. Donc ils se rendaient ici pour faire le pèlerinage, pour faire du commerce. Et donc comme il y avait des gens qui venaient de différentes contrées, il y avait les langues qui se mélangeaient un peu. Et il est rapporté que pour préserver la langue arabe pure, ils envoyaient leurs enfants dès le plus jeune âge, ici avec des nourrices, loin de Mecca. Regardez, ils avaient le souci de préserver la langue arabe. Où est notre souci, nous, au jour d'aujourd'hui, de préserver la langue arabe, alors que Al-Qur'an, Al-Karim est descendu en langue arabe, alors qu'il n'y avait pas eu encore la révélation à leur époque, ayyuhal ahbab. Et ils avaient ce souci de cette langue qui était la langue arabe. Et nous, bien que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé Al-Qur'an Al-Karim en langue arabe, et qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre langue meilleure que la langue arabe, on délaisse la langue arabe au sein de nos familles. Et ça, il faut prendre l'habitude, ici, de parler même l'arabe avec nos enfants. Ceux qui, alhamdoulilah, ont la capacité de parler l'arabe littéraire, je parle de l'arabe littéraire, hein, je ne parle pas du shlouh, ou, là, du, hein, ou alors on va dire le kabil, ou là, le hadith va me dire non de ceci, nous on parle de, dans notre contrée, je parle de l'arabe littéraire, hein, je ne parle pas, ou alors de darija, on va dire ala kulli hal darija, c'est mieux que rien, on va dire c'est mieux que, mais je parle de l'arabe littéraire. Celui qui a les capacités de parler l'arabe littéraire avec ses enfants, qu'il le fasse. Ou de faire un petit programme d'arabe littéraire, qu'il le fasse. Comme disent les savants, l'arabe, c'est la clé de la science. La langue arabe, c'est la clé de la science. Al-Qur'an, il a été révélé en langue arabe. Et Al-Qur'an, il a été révélé en langue arabe. Et nous disons, ça ne veut pas dire parce que tu es un Saoudien ou tu as la langue arabe que tu es plus pieux que la personne qui ne connaît rien de l'arabe. Abadan, inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles auprès d'Allah d'entre vous, ce sont les plus pieux. Et nous, ce qui nous importe, c'est l'application. Mais nous disons que la langue arabe est très importante. Et la langue arabe est la clé de la science. Et la langue arabe va te permettre d'apprendre la science pour pouvoir plus ou mieux appliquer cette science religieuse. Donc, ici, les Arabes envoyaient leurs enfants avec des nourrices, et parmi les causes et les sagesses, c'est qu'ils préservent la langue arabe. Donc, à la kulli hal, ici, l'histoire de Halima est rapportée par Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, Al-Imam Al-Zahabi et d'autres. Avec une bonne chaîne de transmission. Et je la cite. Il est rapporté qu'un contingent, donc de la tribu de Bani Sa'd, donc un groupe de la tribu de Bani Sa'd, se rendit à la Mecque à la recherche de nourrissons. Ils se sont rendus à la Mecque à la recherche de nourrissons. Aucune nourrice avait consenti à se charger d'un enfant qui s'appelait Mohammed. Donc ils sont partis pour prendre des nourrissons. Personne n'a voulu prendre ici cet enfant qui était le prophète Mohammed alayhi sallam. Pourquoi ? Dieu a quoi ? Yatim. Donc qu'est-ce qu'on en déduisait ? Donc il est yatim, il n'a pas de père, donc pas beaucoup d'argent. Et on a dit, on a rapporté que le prophète alayhi sallam descendait ici d'une famille noble, mais modeste. Quel beau mélange, la modestie et la noblesse. Noble et modeste. Et donc ils ont un peu laissé de côté Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Et donc Halima, vu qu'il ne restait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'a pas voulu ici repartir entre guillemets les mains vides. Donc elle a vu qu'il n'y avait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et qui elle aussi était faisait partie d'une famille très modeste, donc elle a dit, on va prendre, vaut mieux prendre lui que ne rien prendre. Donc elle a pris le prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir l'allaiter. Et ensuite elle a informé son mari, le mari de Halima qui était en sa présence. Elle a informé son mari Afwan qui était Al-Harif. Elle lui a informé qu'elle a pris ce nourrisson qui était orphelin de père, et celui-ci lui a dit, toujours dans le même récit rapporté par Halima, peut-être qu'Allah en fera un bienfait pour nous. Et ensuite, retourné à mon campement, donc c'est Halima qui cite le récit, hein. En retourné à mon campement, je le mis dans mon giron. C'est-à-dire, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui n'avait pas encore reçu la révélation, encore un nourrisson, et qui est né, et qui était entre les mains de Halima. Donc, elle dit, je l'ai mis dans mon giron. Mes seins tout d'un coup se remplirent de lait. Il tâta à satiété. Son frère tâta aussi et s'endormit. Mon mari alla surveiller la chamelle. Et voilà que la chamelle, dont ses mamelles étaient vides, se retrouve gonflée de lait. Il se mit à la traire. Nous bûmes à satiété. Et passâmes une nuit tranquille. Le matin, mon mari me dit, tu sais, Halima, ce petit que tu as pris a une âme bénie. Ma'ahu al-baraka. Il avait avec lui al-baraka, la bénédiction. Il avait avec lui al-baraka, ayyuhal ikhwatul kiram. Ça c'est qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, qui, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avait cette bénédiction alors qu'il était encore bébé. Que dire de son état et du degré de bénédiction qu'il avait avec le prophète alayhi salatu wassalam après qu'il a reçu al-wahi, la révélation. Et il dit, il y a avec lui al-baraka. Et elle dit, je le souhaite bien. Nous partîmes alors, je montais sur la naisse avec le nourrisson. Donc ils continuèrent le chemin. Je montais sur la naisse avec le nourrisson et par Allah, ma monture essouffla toute la caravane par son allure. Aucun âne ne put le rattraper. Même son âne y courait. Personne n'a pu la rattraper. Ça c'est dans le même récit. Apporté par le Bayhaqi et d'autres avec une bonne chaîne de transmission. Ça c'est Halima elle-même qui raconte. Et mes compagnons me disaient, Ya Halima, doucement. Est-ce là la naisse que tu montais à notre sortie? Est-ce que c'était l'âne qu'on avait vu? Et ensuite, elle dit par Allah, oui, leur répondis-je. Et je me disais qu'il y avait là une grande chose. Nous parvîmes à nos demeures à Bani Sa'd. Jamais à ma connaissance, une terre n'était aussi aride que la nôtre. Mon troupeau revenait du pâturage. Le soir, répu, les chamelles gonflées de lait. Nous traillions et buvions du lait, alors que les autres n'en trouvaient pas une goutte. Al-Baraka. Du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les gens de notre tribu qui vivaient près de nous disaient à leurs bergers, menez nos troupeaux. Les gens, ils ont dit, prenez vos troupeaux et partez avec Halima. La'alallah, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la bénédiction. D'accord? Dans nos troupeaux, comme la bénédiction est présente avec, dans le troupeau de Halima et autre chose. qui accompagne Halima et ce bébé qui était Mohamed ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Donc ils ont fait le test et elle dit Halima, ils dirent menez nos troupeaux là où le berger de Halima mène le sien. Les bergers témoignaient qu'il s'agissait de la même terre, mais une fois le troupeau de Halima s'éloigné, ils le voyaient en train de brouter l'herbe tête baissée. Subhanallah al-Azim. Ensuite, mais leur troupeau ne cessait de rentrer affamé sans une goutte de lait. Contrairement au mien, nous avons joui de cette aisance durant les 2 ans de l'allaitement. Alors, l'enfant Mohammed alayhi salatu wasalam fut sevré. Halima n'a jamais regretté d'avoir pris l'orphelin de Abdelmuttalib chez elle. Abdelmuttalib qui est le grand-père du prophète alayhi salatu wasalam. Donc elle l'a allaité pendant 2 ans. Ce qui est recommandé dans le Coran al-Karim, d'allaiter son enfant pendant deux ans. Donc elle l'a allaité pendant 2 ans. Passé les 2 ans, elle est partie ramener le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam à sa mère. Elle l'a ramené à Amina et elle était triste de ramener cet enfant qui était accompagné de Al-Baraka, la bénédiction. Quand elle l'a ramené à Amina, la fille, la mère du prophète alayhi salatu wasalam, elle a essayé de la convaincre. Elle a dit laisse-le moi avec moi encore un peu, ça serait bien qu'il reste encore loin de tous ces troubles, etc. Certains historiens ont rapporté qu'elle a trouvé certaines excuses, d'autres se sont arrêtés en disant elle a réussi à convaincre sa mère de lui laisser encore le prophète alayhi salatu wasalam, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalam. Amina a accepté, donc Halima est repartie dans son ou auprès de sa tribu Bani Sa'd avec cet enfant qui était le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et cet enfant là est resté auprès de Halima jusqu'à l'âge de ses 5 ans. Et pendant cette période-là, ayyuhal ahbab, qui est passée de 2 ans, ou qui était entre 2 ans et 5 ans, il le relatait, comme l'a dit l'imam muslim, qu'il s'est passé une situation qui est prise pour référence par de nombreux savants musulmans au jour d'aujourd'hui, qui est appelée la fente de la poitrine. Et ce récit est rapporté par l'imam Muslim. Selon Anas radiyallahu anhu arda, il dit, pendant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jouait avec d'autres enfants, donc ça c'était quand il était sous la responsabilité de qui? De Halima. Il avait à peu près l'âge de 5 ans. Il jouait avec d'autres enfants, rapporté par Muslim. Il dit, Jibril arriva et le terrassa. Qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il ouvrit sa poitrine. Regardez les épreuves. Il se retrouve sans père. Il est entre les mains d'une nourrice. À 5 ans, il se retrouve plaqué par terre par Jibril alayhi salam qui, celui-ci, lui ouvre sa poitrine. Comme l'a rapporté Anas, radiyallahu anhu arda. Il dit, Jibril arriva et le terrassa. Ensuite, il ouvrit sa poitrine. Sortit son cœur. Il a sorti le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en ôta un grumeau de sang. Il a ôté un grumeau de sang. Al-kayfu majhoul. Al-imanu bihi wajib. Le comment est inconnu. La croyance en cela est obligatoire. En ôtant un grumeau de sang en disant, cela représente l'emprise de Shaytan sur toi. Il le lava dans une cuvette en or pleine d'eau de zemzem. Le replaça dans la poitrine du prophète, alayhi salatu wassalam, et remit tout en ordre. Les enfants accoururent vers sa mère nourrice, c'est-à-dire Halima, lui annoncer sa mort. Mohammed avait la mine altérée, alayhi salatu wassalam, quand ils le ramenèrent. Et il a été préservé, le prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a précisé, dans ce hadith rapporté par Muslim, que le grumeau qui a été enlevé du cœur du prophète alayhi salatu wassalam, c'était l'emprise de Shaytan sur celui-ci, c'est-à-dire sur Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Donc il a été préservé depuis son plus jeune âge, bien plus que cela. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même rappelle, et je termine ici inshallah ta'ala, qu'il a été préservé à plusieurs moments, dès son plus jeune âge. Et regardez ce qu'il est rapporté par l'imam Muslim, un hadith très connu, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Il rapporte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui-même a dit, écoutez bien, il dit, il est mandaté pour chacun de vous un djinn. Il est mandaté pour chacun de vous un djinn. Chacun d'entre nous a un djinn. Naam. Et un compagnon, Qarin, on l'appelle Qarin, un compagnon proche, qui lui inspire le mal. Tous, on a un djinn à côté de nous, compagnon qui nous inspire le mal. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi, et un ange compagnon, un djinn et un ange. Et vous, ô messager d'Allah, ils lui ont dit, et vous, ô messager d'Allah, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et moi aussi. et moi aussi. Sauf qu'Allah m'a aidé à le convertir à l'islam, aussi ne me dicte-t-il que le bien. » Rapporté par Muslim. Le prophète a été préservé. Dans son enfance, et bien après encore. Et on va voir que le prophète a.s.w. ici, Jibril a.s.w. lui a ouvert sa poitrine alors qu'il avait à peu près 5 ans, mais qu'on a ouvert la poitrine au prophète a.s.w. pas une fois, mais trois fois. Et on va citer, inshallah ta'ala, les trois fois dans les prochains cours. Et ensuite, ils ont ramené le prophète a.s.w. Donc, Mohamed ibn Abdillah, alors qu'il avait à peu près 5 ans, à sa mère, qui a été pris de panique et qui a décidé, en pensant qu'un mal lui avait touché, yani, c'était vraiment un mal énorme lui avait touché, elle l'a ramené à sa mère qui était Amina, et ici à l'âge de à peu près 5 ans, et certains historiens rapportent qu'elle a raconté vraiment dans les détails ce qui s'est passé au prophète alayhi salatu wassalam, et dans une version Naam de Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, ici Halima, ou plutôt Amina Afwan, quand elle lui a rapporté cette histoire, c'est-à-dire Halima, elle lui a dit, crains-tu pour lui? Crains-tu pour lui? Elle a dit ça, Amina, en toute confiance. Et c'est là où elle a cité dans ce hadith rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, elle-même, Amina, elle a rapporté que quand elle porta le prophète, alayhi salatu wassalam, quand elle était enceinte, elle a vu une lumière qui a surgir, qui a illuminé les palais de Shem. Ça, c'est authentique. Les palais de Shem. C'est à ce moment-là. Et donc, elle a gardé Amina. Et c'est à ce moment-là que le prophète, alayhi salatu wassalam, a voyagé avec sa mère à l'âge de 6 ans, de Mecca à Al-Madina. Et entre Mecca et Al-Madina, au retour de Al-Madina, quand il était plus proche de Al-Madina, le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'avait que 6 ans, qu'il a vécu toutes ces situations, qu'il était orphelin de père, a vu sa mère pendant la route, loin de ses oncles paternels et loin de ses oncles maternels, pendant la route, pendant le voyage, imaginez-vous, alors qu'il a 6 ans, il a vu devant lui sa mère tomber malade pendant la route, dans le désert, et mourir devant lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra la suite, inshallah ta'ala, concernant sa jeunesse, la semaine prochaine, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.